Book 2 90 الأمر 2 Impératif 2 Impératif 2 احلق ذقنك Rase-toi Rase-toi اغتسل Lave-toi Lave-toi مشط شعرك Coiffe-toi Coiffe-toi اتصل اتصلوا Appelle, appelez Appelle, appelez ابدأ ابدأوا Commence, commencez Commence, commencez. توقف, توقفوا. Arrête, arrêtez. Arrête, arrêtez. اترك هذا, اتركوا هذا. Laisse ça, laissez ça. Laisse ça, laissez ça. قل هذا, قولوا هذا. Dis ça. Dites ça. Dis ça, dites ça. اشتري هذا. اشتروا هذا. Achète ça. Achetez ça. Achète ça, achetez ça. لا تكن أبدا غير صادق. Ne sois jamais malhonnête. Ne sois jamais malhonnête. لا تكن أبدا وقحا. Ne sois jamais insolent. Ne sois jamais insolent. لا تكن أبدا غير مهذب. Ne sois jamais impoli. Ne sois jamais impoli. كن دائما صادقا. Sois toujours honnête. Sois toujours honnête. كن دائما لطيفا. Sois toujours gentil. Sois toujours gentil. كن دائما مهذبا. Sois toujours poli. Sois toujours poli. عد سالما لبيتك. Rentrez bien chez vous. Rentrez bien chez vous. انتبه لنفسك. Faites bien attention à vous. Faites bien attention à vous. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. Revenez vite nous voir. Revenez vite nous voir. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية